Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue sur Fadjet 94.2 et Fadjet.net, votre radio préférée, pour une nouvelle émission de Music Live avec plein d'infos au programme. Alors, générique, sois-y. Live musique avec Yo. Tous les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois à 20h. C'est notre première émission du mois. Il est 20h. Alors, générique. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre édition du 20h. Ce soir, exceptionnellement, nous ne traiterons pas de l'actualité internationale, mais nous allons vous donner toutes les actualités des festivals en France, si vous partez en vacances, et bien sûr aussi dans notre région, ainsi que les belles soirées musicales durant cet été 2026, et le tout accompagné de nombreuses chansons. Il est 20h, voici votre journal. Commençons par l'actualité en France. Au travers des grands festivals, il est à noter qu'il y a tant de festivals dans l'Hexagone en open air que la période maintenant commence dès le mois de mars et se termine en octobre. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a quelques difficultés sur bon nombre de festivals pour joindre les deux bouts financièrement. À quand les festivals en plein air au mois de décembre? C'est à se demander. C'est aussi, peut-être aussi, les effets du réchauffement climatique. En Meurthe-et-Moselle, rappelez-vous, on a eu des températures de plus de 20 degrés au mois de février, et là, actuellement, fin mai, on avait plus de 40. Alors, c'est dire, partout en France, pour quelques grands festivals qui sont ou qui deviennent des classiques, les Francopholies du 10 au 14 juillet à La Rochelle, avec cette année au programme Orelsan, Gaëtan Roussel, Youssou N'Dour, Zaz, Julien Clerc, Karen Ann, et plein d'autres. Ce festival est depuis plus de 40 ans celui de la chanson française et francophone, un incontournable. Selon le festival In et le festival Off, vous trouverez des places entre 7€ et 70€, ce qui reste quand même raisonnable car chaque soir il y a plusieurs concerts. Renseignements sur le net francopholie.fr. Allez, on retrouve tout de suite Karen Ann. J'aime bien cette chanteuse-là, et avec sa chanson La musique à fond. Et qu'on crève de plafond. Un autre festival aussi incontournable en France, c'est celui de Carcassonne, du 26 juin au 31 juillet. C'est le plus long de France, puisqu'il dure presque un mois, dans un décor superbe au cœur de la cité médiévale. On y trouve du cinéma, avec cette année un hommage à Marlène Jobert, qui sera présente, et d'autres hommages aussi, comme à Charles Aznavour, à Barbara. Il y a du théâtre aussi à ce festival, avec Jean-Paul Rouve, qui viendra avec son Bourgeois Gentilhomme, mais aussi Thierry Lhermitte dans la pièce La Rencontre. Et surtout des concerts avec notamment Chris Isaac, Christophe Maé, Franz Ferdinand, une soirée avec les Vampas et les Sex Pistols, ça va être chaud, mais aussi Cool and the Gag, qui sera aussi, rappelez-vous, à Colmar à la Foire au Vin début août. Bref, tout cela, c'est à voir sur festival.carcassonne.fr. Allez, on se fait une pause musicale avec les anciens de Cool and the Gag, un groupe formé en 1964 dans un de leurs plus grands succès, Get Down on It. C'est parti! Allez, on danse, danse, danse! Yes, sir. What's he gonna do? You wanna get out? What's he gonna do? Do you wanna get out? What's he gonna do? Do you wanna get down? Huh? What's he gonna do? Hey, do you wanna get down? Get your back up off the wall. Hey, come on. Get your back up off the wall. Hey, come on. Get your back up off the wall. Hey, come on. Get your back up off the wall. comme c'est bon, Cool and the Gang. Bon, c'est sûr qu'ils sont plutôt jeunes, hein, 70 ans en moyenne, mais je peux vous assurer que ça swing encore terrible. Allez, on continue. Pour les amateurs de blues, cette fois-ci, dans notre petite balade des festivals cet été, il y a le festival le Petico Summer Blues Festival du 14 au 18 juillet. C'est à Petico, en Seine-Maritime. Un festival ambulant et gratuit. Pas de grandes stars, mais des bluesmen qui viennent de toute la France et même plus loin pour un festival complètement atypique. Et puis la mer est toute proche, donc c'est tout bon pour les vacances. Je vous le recommande. Tous les renseignements sur petico.fr, petico, tout attaché. Et vous trouvez aussi une page Facebook. On voit aussi le Festival Blues Passion à Cognac, ça c'est en Charente, pas loin de la mer non plus. C'est du 1er au 4 juillet avec de belles têtes d'affiches et une édition qui mélangera blues et soul avec Ben l'Oncle Soul, Ben Harper, Curtis Harding, ça c'est aussi du lourd. Des soirées avec plusieurs concerts pour tous les renseignements sur destination-cognac.fr. Tiens, allez, on va s'écouter un petit Curtis Harding dans There She Goes. C'est cool, c'est la route des festivals dans le 20h sur Fadjet Music Live. Every rose has its thorns. They'll prick you when they're torn. But it's hard to deny the beauty of the passerby. There she goes, yeah, there she goes. But in the sunshine, it's where she grows. And when she's happy, everybody knows. A beacon of love in a crowded space. Petals of strength, human grace. There she goes. Yeah, there she goes. Just take a look around. Flowers grow from the ground. It seems so hard to deny. Perfect rose. Si vous ne le connaissez pas, Curtis Harding, c'est vraiment un super soulman et auteur-compositeur à tout bon. Voilà, on continue notre petite promenade, et cette fois-ci pour les amateurs de jazz, le plus célèbre et le plus vieux festival en France, juste devant notre NJP, c'est évidemment celui de Juan-les-Pas. L'édition 2026 verra encore de nombreuses stars, des pointures comme on dit, de type Marcus Miller et son spectacle We Want Miles, un hommage à Miles Davis et accompagné et sur cette tournée de Mike Stern, Mino Sinelu, Bill Evans et tant d'autres. Mais bon, aussi d'autres soirées avec Kezia Jones ou le Thomas Dutronc and Friends Band. Des places chaque soir sont à partir de 30 euros et c'est du 9 au 19 juillet au milieu d'une pinède. Rien que pour l'endroit et l'ambiance, ça vaut le coup d'y aller au moins une fois dans sa vie. Renseignements sur Jazz à Juan, tout attaché. .fr. Allez, on va retrouver Marcus Miller dans son interprétation de Toto qu'il avait composé à l'âge de 20 ans pour Miles Davis. C'est parti! Voilà, c'est un morceau qui dure 11 minutes, donc on ne peut pas le passer en entier. Mais allez écouter du Marcus Miller, vous allez voir, c'est super. Et puis là, en concert avec toute cette bande de stars qui est, avec qui il est. Ils ont vraiment fait fort pour rendre hommage à Miles Davis pour les 100 ans de sa naissance. On part aussi là dans un festival bien à part, celui d'Uzest en Gironde, à 55 km au sud-est de Bordeaux, en pleine campagne. Campagne, pas loin du vignoble de Sauternes, avec modération, là où se trouve la patrie du jazzman Bernard Lubin, même Bernard Lubin de Gascogne. Il faut y être allé pour comprendre, un festival hors du temps avec de l'impro chaque jour dans le village, au bistrot qui appartenait à ses parents, sur le stade de foot, les fermes dans la rue, sur les remorques de tracteurs à l'église même. La programmation est elle-même très improvisée, même s'il y a un cadre, mais souvent des amis viennent faire un petit tour et hop, c'est parti. Et pourtant, dans ce festival, les plus grands sont passés. Comme je vous le dis, prévus ou imprévus, et qui sont restés une après-midi, une soirée, deux, trois jours, comme par exemple Claude Nougaro, Maurice Vander, Michel Portal, Richard Galliano, et tant d'autres qui sont passés chez Lubin. tous les amis et compagnons de route de Bernard Lubin et de sa compagnie viennent dès qu'ils peuvent. Des spectacles, des débats, des conférences, des déambulations, des apéros, des révolutions même, des grandes bouffes, des délires, mais quelle ambiance et quel bonheur. Un moment unique, ce sera du 16 au 22 août. Tous les renseignements sur Facebook, Compagnie Lubin. Ou venez-vous aussi à l'improviste, comme tout le monde. On vous trouvera de la place pour dormir, même dans le champ du voisin, et ce sera encore plus rigolo. Allez, maintenant, on passe au festival et grande soirée d'été de la région autour de Nancy, et un peu plus loin, mais raisonnablement loin. L'Open Air du Zénith de Nancy, bon pour 2026, j'ai pas grand-chose à dire, alors je passe. Il a commencé depuis le 5 juin, chaque semaine, et jusqu'au 12 juillet. Idem pour l'Open Air de Luxembourg, du 7 au 14 juillet, quelques têtes d'affiches sympa, mais un minimum 140 euros la place pour chaque soirée, faut pas exagérer non plus. Le festival du chien, plus malangre, ah tiens, voilà qu'il est bon le festival, avec une programmation sympa, hébergement, camping sur place, si vous venez de Dijon, bus aller-retour pour 16 euros, 95 euros le passe 3 jours, c'est vraiment correct. Ce sera du 31 juillet au 3 août avec une programmation diversifiée, plutôt style Jones. Renseignements chien à plume avec un S tout attaché .fr. Le festival du cabaret vert à Charleville, Mézières, dans les Ardennes du 20 au 23 août, un festival vraiment super avec une belle programmation comme Nick Cave, les Deftones, Charlotte Cardin, Last Train, les Sparks, si les vieux Sparks sont de retour, et plein d'autres sympas. Bref, 64 concerts en 4 jours avec un pass quand même à 238 euros, mais ça revient moins cher en prenant le pass que la soirée, puisque si vous prenez le pass, ça revient à 60 euros la journée et 75 si vous prenez juste le pass un jour. Tout renseignement, cabaret vert, tout attaché.com. Allez, on retrouve le grand Nick Cave qui vient faire une tournée en France. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu dans une de ses chansons qui s'appelle Girl in Amber. I used to think that when you died, You kind of wandered the world in a slumber till you crumbled, were absorbed into the earth. Well, I don't think that anymore. The phone, it rings no more. The song, the song, the song, it's been since 1984. The phone, the phone, the phone, it rings, the phone, it rings no more. And if you hold me, I will tell you that you know that. If you wanna bleed, just bleed. If you wanna bleed, just bleed. But if you wanna leave, that's okay. Just step away and let the world. Jusqu'à 21h, c'est Music Live sur Fadjet. Nick Cave, comme c'est bon, et le concert dure environ 2 heures dans cette ambiance-là, avec une déco qui va avec. C'est vraiment un chouette moment à passer avec lui. Alors, ceci dit, pour moins cher et même gratuit, très sympa, qu'est-ce que je peux vous proposer? Qu'est-ce que j'ai en stock? Eh bien, on va rester à Nancy, parce qu'à Nancy, il y a Nancy Plage et toutes ces guinguettes, et il y a de quoi faire. Il y aura plus de 70 concerts de prévus durant la période. Alors, avec des groupes locaux, des groupes régionaux qui viennent d'un peu plus loin, qui s'échangent des bons plans. Un coup, je joue chez toi à Belfort, le lendemain, c'est toi qui viens jouer à Nancy. Bref, il y a plein de concerts qui vont être partout à Nancy pendant tout l'été. On a aussi le musical été à Saint-Dizier sur 3 jours qui est gratuit aussi. Saint-Dizier, c'est pas loin, c'est tout près du lac d'Hyder. On en profite pour passer la journée au lac. On se baigne, on pique un plongeon et en rentrant, on va au parc du Jar, qui est vraiment un joli parc à Saint-Dizier, où pendant 3 soirs de suite, il y a 2 ou 3 concerts chaque soirée. Alors c'est surtout des jeunes vedettes de la variété française, hein, comme Kenji, je dirais même comme Kenji et ses amis. Mais bon, c'est sympa quand même, c'est du 3 au 5 juillet Et c'est gratuit, donc c'est vraiment cool. Gratuit toujours, on reste autour de Nancy, c'est le festival L'été Chapiteau au parc Pouille à Vendeuve du 7 au 18 juillet, avec des concerts, des spectacles, des animations pour petits, pour grands, pour toute la famille, des démos et des découvertes sportive avec le service des sports de la ville qui propose des initiations sportives à tout le monde, des stands et activités proposées par les associations partenaires. C'est vraiment un gros moment de l'année sur Vendeuvre. C'est tous les jours de 10h à 21h. Vous verrez, c'est super sympa. C'est un beau cadre d'abord. Et puis, avec les petites guinguettes qu'ils ont mis tout partout, c'est vraiment sympa. Et puis, le chapiteau, c'est un vrai chapiteau de cirque. Alors, pour pas que l'air soit irrespirable, ils ouvrent, quand il fait très chaud, l'entour des suites du chapiteau. Mais le toit, c'est vraiment un vrai chapiteau. D'ailleurs, si vous y allez, vous passerez le bonjour de ma part à Adèle et toute l'équipe des gentils organisateurs qui font un boulot formidable. Depuis hier, alors là c'est chaud patate, hein, c'est actuellement, depuis hier et jusqu'à demain, il y a le festival Rue et Compagnie à Épinal. Alors c'est ça aussi le spectacle vivant, hein, c'est pas que la musique, c'est aussi le théâtre, c'est aussi les scènes de rue, les stand-up et tout ce qu'on veut, tout ce qui est vivant. C'est un festival des arts de la rue qui est maintenant reconnu depuis longtemps, avec de nombreuses compagnies de toute la France qui viennent et qui est un incontournable de la région. Tous les renseignements sur Rue et CIES, donc Rue et Compagnie, en raccourci ruesi.fr. Idem qu'à Épinal, je regarde dans mes stocks d'infos, idem qu'à Épinal, du 3 au 14 juillet, le festival Hop Hop Hop, un festival international du spectacle à ciel ouvert, qui se promène d'abord dans les petites villes autour de Metz, puis les 4 derniers jours à Metz même. Pareil, des festivals, des spectacles de rue, de la musique, c'est une ambiance vraiment super. Renseignements sur festival hop hop hop tout attaché.com. Vous mettez pas le tout attaché à c'est festival hop hop hop .com. Une nouvelle pause musicale avec mon coup de cœur du mois. Ah oui, c'était Beth Hart que j'ai eu le bonheur de voir famée à la Rocale d'Esch-sur-Alzette, et c'était vraiment grandiose. Elle tourne depuis le début de l'année en Europe, puis elle part aux USA, mais elle revient en France à l'Olympia le 29 novembre. Je crois que je vais encore acheter mon billet pour aller la voir, parce que vraiment, c'était vraiment formidable. On la retrouve comme si on y était, donc famé, pour une chanson qui s'appelle Sugar Shack. Yeah! Beth Hart. Hey! Comme c'était bon ce concert, je la découvrais, hein, même si ça fait déjà un paquet d'années qu'elle est connue, mais elle passe pas tous les jours en Europe non plus, donc c'était l'occasion. Et faut savoir que c'est une artiste qui a déjà eu des Grammy Awards, qui a déjà été nommée plein de fois à plein de récompenses différentes. Elle a joué avec des musiciens comme Jeff Beck, Joe Bonamassa, et ces deux artistes entre autres, et d'autres, hein, joué avec plein de guitaristes. Ces musiciens en tout disent que c'est vraiment, on n'a rien trouvé de mieux depuis Janis Joplin. Elle est vraiment brute de pomme. Et on a l'impression parfois d'entendre du Tina Turner. Je pourrais en faire des louanges pendant 3 jours, mais je préfère lui consacrer une émission, je pense, d'ici très peu de temps. Et puis, hormis ça, on se retrouve ce dimanche là à Maron, juste à côté de Nancy, avec la Brock'n'Roll. C'est gratuit et avec des concerts. Il y a 8 ou 9 groupes qui passent. C'est le temple de la musique sur le coin chaque année. Et Fadjet vous offre d'ailleurs des passes VIP avec Mr. Angelo qui va vous accueillir, qui va vous faire visiter la Brock'n'Roll et vous inviter à l'apéro et au repas de midi. Bref, vous allez voir toutes les coulisses de cette grande fête qui a lieu donc ce dimanche. Et tout ça grâce à votre radio préférée. Fadjet, elle est pas belle la vie. Alors, un autre festival, et même un festival du 25 juillet au 2 août, c'est à Chamblay, avec les fameux vols de montgolfières. Mais cette année, et pour la première fois, il y aura aussi chaque soir des concerts de jazz et de blues avec de bons petits groupes. J'ai eu quelques infos de la programmation, ça va être très sympa. C'est du 25 juillet au 2 août. Et puis ce week-end aussi, alors samedi, vous venez tous au lac de la Maline, c'est le Rétro Auto Meuse 2026, c'est le plus grand rassemblement en France de vieilles voitures évidemment le soir, il y a les concerts rock, ça c'est une évidence. Et puis le dimanche, vous allez à un rock'n'roll, vous allez voir, vous allez passer un week-end fantastique. Bon, il vous faudrait au moins 4 heures pour lister tout ce qui va se passer au niveau musical et au niveau des spectacles vivants dans la région. Alors le mieux, c'est d'aller chercher les infos, venant me retrouver sur mon groupe Facebook Music Live by You on Fadjet. Alors quotidiennement, je le mets à jour, dès que j'ai une info, je la mets dessus, et puis je vous mettrai des liens en plus, ces cadeaux, pour aller sur des sites comme La Route du des Festivals ou plein d'autres sites qui parlent de tous les festivals qu'il peut y avoir en France. Et vous pouvez aussi cliquer par région, donc vous avez aussi tout ce qui se passe dans notre région Lorraine. Un dernier petit plaisir musical, car on se rapproche quand même de la fin. On est comme ça sur Music Live. Allez, les surnommés Scavlover, car souvent dans des tenues à la Blues Brothers, reviennent à 65 ans passés en concert en France pour 6 dates. Il s'agit, bien sûr, et vous les avez reconnus, du groupe Madness. Donc ils viennent pour 6 dates en France, pas une de plus, et il y en a une qui est dans notre région. Ça se trouve à Neuve-Église. C'est en Alsace, tout près du château du Haut-Königsbourg, vous situez la région, hein, ça fait aller une petite heure, une bonne heure de Nancy. Et c'est dans le cadre d'un festival qui s'appelle Décibule, avec plein d'autres artistes pendant 3 jours. La soirée coûte 47,50 €, c'est vraiment pas trop cher, parce qu'il doit y avoir 3 concerts, et il y a d'autres groupes qui sont aussi sympas, mais en tout cas, pour revoir les Madness, ça vaut quand même le coup. Je vais vous faire écouter un titre, mais j'ai même pas besoin de vous dire quel est le nom du titre, parce que tout le monde le connaît. Bon, il faut simplement être prêt, donc je vous mets en condition. Attention, 1, 2, et 3, go! Vous êtes prêts là? Ça va vibrer! Cette fois-ci, vous êtes à fond, hein, vous êtes debout, on danse, on lève les bras et on danse en vite avec les Madness. Ok, go! We'll be right back. comme ça fait du bien. Bon, on arrive à la fin de notre édition du 20h, mais comme dans toute édition, il ne faut pas oublier la météo. Alors, je vous donne la météo qui est officielle, hein. C'est Météo France, hein, et c'est à 100% garanti. Donc, dans notre région, Nancy, il va faire beau tout l'été, il va y avoir du soleil, il va y avoir un petit peu de fraîcheur le soir. Bon, ça va être un super été, alors c'est le moment de sortir, et puis de sortir le plus souvent possible et de profiter de cet été. Et en musique, c'est sur cette dernière info que nous refermons notre journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve le 21 juin pour une émission spéciale Fête de la musique et dans 15 jours pour une nouvelle émission de Musique Live. Merci de votre attention. Bonne soirée sur Fadjet. Et comme toujours, allez voir des concerts, écoutez de la musique vivante, de la musique live. Bonne soirée à tous et à toutes sur Fadjet.